se trouve au bout du monde. Et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de mon amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra et je sécherai mes pleurs sur tes joues, mon ange, dans tes bras. Viens avec toi le temps d'aimer. Quand on se revient,